cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, fanwasil wa lillahi alhamd, wa nas'aluhu azza wa jal at-tawfiq wa s-sadad, nwasil hadhihi ad-durus fi sharh al-qawa'id al-arba' lil-imam al-mujaddid, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمة الله عليه مع تعليق العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه. Donc on continue ces dourous après ce mois de Ramadan. On continue هذه الدروس dans ce livre qu'on avait commencé, القاعدة الأربع, les quatre bases, les quatre règles de Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. Quatre règles dans التوحيد, de montrer la différence entre التوحيد والشرك, entre التوحيد, توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, des bases importantes في هذا العلم المهم. كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, أي يوحدون, يوحدون الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. Et c'est ça, التوحيد. فشيخ الإسلام il a écrit cette رسالة et elle est résumée, لكن فيها فوائد عظيمة. Chaque muslim il doit connaître ces choses, chaque muslim il doit comprendre, maîtriser ces points importants. Et on avait lu ensemble le début de la muqaddimah. On reprend à partir de قول المؤلف رحمه الله. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس إلا للعبادة. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc le but de notre création, نحن en tant qu'être humain, en tant que mukallaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour qu'on l'adore. العبادة. وتقدم معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est ça العبادة. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, comme parole ou acte apparent ou caché. هذه العبادة, Cheikh al-Islam il te montre أن cette عبادة que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu accomplisses cette عبادة. قال فعلم, tu dois savoir أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Ça te montre أن العبادة pour qu'elle soit acceptée عند الله سبحانه وتعالى لابد من هذا الشرط العظيم. On est obligé d'adorer الله سبحانه وتعالى seul pour que العبادة elle soit acceptée. Ça te montre أن c'est pas toute chose que les gens ils appellent عبادة, c'est forcément une عبادة acceptée عند الله. فكم من الناس يعبدون الأموات ويتقربون إلى الموتى بالذبح والنذور وغير ذلك, ils appellent ça عبادة. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال في القرآن الكريم نعم ما هي الآية؟ تفضل أعد. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. أحسنت. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. فpour eux c'est cette manière qu'il faut pour se rapprocher d'Allah, مع أنهم ils adorent autre qu'Allah, لكن pour eux ils adorent Allah. ويعبدون من دون الله قال عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فcest pas tout ce que l'être humain il prétend être ibada, c'est forcément une ibada. Et min huna tastafid an al musammayat la tanfa illa idha tahaqqaqat al shurut. المسميات لا تنفع بخيطاندر اون شوز لا ينفع même si on prétend avoir cette chose ou faire cette chose sauf si on a rempli les conditions. فلهذا celui qui fait salat مثلا et il a pas l'eau d'eau ou il se met pas en direction de la qibla ولو s'il prétend avoir fait salat sa salat elle est pas sahiha. Celui qui se prétend musulman ولو si il a été conseillé lakin il fait du shirk, fait du kufr, il fait pas salat, il se moque de la religion, il insulte Allah, même si il se prétend musulman, c'est pas un musulman. Ça te montre anna al-ibra c'est pas bil musammiyat, al-ibra c'est bil haqa'iq. Et anta en tant que musulman, tu fais des efforts pour que cette chose que tu fais, cette adoration que tu espères thawab indallah, tu l'as fait en remplissant les conditions et en t'écartant des annulations. Enfin, as-salat, si tu veux qu'elle soit acceptée, tu dois faire as-salat ala tahara en direction de la qibla. Tu dois avoir une niya, tu fais cette ibadah lillah et toutes les conditions, les autres. Al-qira'at al-fatiha, al-ruku' al-sujud, etc. Fahakada al-ibadah. Cheikh l'Islam yaqul, fa'alam أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فسي tu veux que cette عبادة, et ça doit être ton but, لأن الله سبحانه وتعالى il t'a créé que pour هذا, cette عبادة soit صحيحة, fais des efforts في التوحيد. Cette عبادة c'est un حق لله. Tu dois adorer personne avec Allah سبحانه وتعالى. Et tu dois donner aucune adoration à autre qu'Allah عز وجل. قال أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال الشارح العلامة زيد ابن هاد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمة الله عليه, وكل عمل يتقدم به الإنسان مع فقد التوحيد والوقوع في الشرك فلا قيمة له ولا وزن له أبدا. من سي cette personne elle prétend adorer Allah, même si cette personne elle fait des efforts, c'est d'aucune utilité indallah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Li'anna ash-shart al-asasi, la condition principale pour que cette œuvre elle soit acceptée, il ne l'a pas. At-tawhid al-ikhlas. Qala wa kullu 'amal yataqaddam bihi al-insan ma'a faqd at-tawhid. C'est ça la condition. Ay, il fait un amal et il n'a pas la condition al-ikhlas, at-tawhid. والوقوع في الشرك. Donc il annule cette condition. الوقوع في الشرك, il tombe dans le shirk. أي cette adoration il l'a fait pour autre qu'Allah. قال فلا قيمة له ولا وزن له أبدا. Aucune قيمة. Son عمل il a aucun poids. Il vaut rien عند الله سبحانه وتعالى. قال إذ لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Pour que ça soit une ibada sahiha inda Allah Azza wa Jal, il faut que cette ibada soit fondée sur le tawhid. Enfin, même si les gens ils appellent cette chose ibada, alors qu'elle n'est pas fondée sur le tawhid, elle est fondée sur le shirk, inda Allah c'est pas une ibada. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction d'Allah, c'est pas les gens. Fahdhar min hada. Fahdhar que les choses que tu fasses, vu que c'est une ibadah, ça doit être pour Allah, l'essentiel c'est que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette chose. L'anna rubbama fi ba'd al-amakin al-shirk 'inda an-nas il est accepté et ils pensent que c'est ça l'ibada. Et al-ikhlas al-tawhid 'indahum c'est pas une ibada. En fait, ça change rien هذا. L'anna nahnu on fait pas ça pour les gens. Ils acceptent ou ils acceptent pas, ça change rien. L'essentiel c'est que celui qui t'a créé, qui t'a ordonné, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, l'essentiel c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte et il est satisfait. قَالَ وَأَمَّا بِدُونَ التَّوْحِيدِ فَمَهْمَا قَدِمَ الْإِنسَانِ مِمَّا صَوَّرَتْهُ أو مِمَّا صُورَتُهُ صُورَةِ الْعِبَادَةِ كَالصَّدَقَةِ وَالْإِقْرَاضِ وَالسَّخَاءِ وَالْبَدْلِ وَالْعَفُ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ وهو فاقد للتوحيد فإنه داخل تحت قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في الحقيقة on l'a lu dans le درس précédent, لكن ça nous fait un rappel. Donc même si en apparence Ce amal, c'est pour ça que Cheikh Zayd قال mimma suratuhu surat al-ibada, même si en apparence c'est une ibada. Et il a donné des exemples, sadaqa, il donnait mathalan de l'argent aux pauvres, as-sakha wal-badl, la générosité, al-afu, al-ihsan, la bienfaisance, tout ça en apparence c'est une ibada. Si ces a'mal ils sont pas fondés sur le tawhid et l'ikhlas, ces a'mal Allah subhanahu wa ta'ala il les accepte pas. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala ta'ammal, il a appelé leur amal amal. Enfin, ils ont fait quelque chose. Lakin, c'est pas accepté عند Allah. Donc, le but, c'est pas que de faire. Le but, c'est pas le katra. Le but, c'est que ça soit fait avec sincérité et en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux conditions pour que Allah, il accepte les œuvres. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Donc le amal, il faut que ce soit un amal salih. Ay, qui soit en concordance avec sunnat nabiyina Muhammad alayhi salatu wasalam. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. Deuxième condition, التوحيد. Bien sûr, tout ça avec la condition de l'islam. Et que ça soit un musulman, un amal al-kafir, il n'est pas accepté. قال شيخ زيد إذن. Donc en résumé الآن, فأساس العبادة توحيد الله عز وجل. Le pilier, la base, la condition principale pour que l'ibada soit acceptée, التوحيد. Allah il accepte pas des mushrikoun. L'amal al-mushrik il n'est pas accepté, abadan. وكلما تقرب الموحد إلى الله بعبادة فهو يشملها هذا الاسم الشريف اسم العبادة. À chaque fois que ce abd il se rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr avec une chose, avec un amal légiféré par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فهذا العمل c'est une عبادة التي تتجلى في الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده والرغبة فيما عنده عز وجل. Bien sûr, on fait ce amal en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha al-amal. Li'annana on est des ibad. On a un Rabb. On a un Khaliq. Et ce Khaliq, Jalla wa Ala, il nous a ordonné des choses, il nous a interdit des choses. Enfin, on fait les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. On s'écarte. On fait autant qu'on peut. On s'écarte de ce qui nous a interdit subhanahu. Tout ça en espérant la récompense et on a peur كذلك من التقصير. Et on a peur du châtiment si on ne fait pas ces choses. Avec les obligations, on ne s'écarte pas des interdits. قال والاستسلام التام لما كلفه الله عز وجل به عالم الإنس والجن من فعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه. Et c'est ça le but de notre création. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour hada. Donc, les efforts que tu fais, Akhil Karim, ces efforts, ils doivent être fondés sur l'ilm. Il y en a comment connaître, est-ce que cette œuvre, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a faite, amla, est-ce qu'il l'a recommandé, amla, est-ce que c'est une bid'a, amla, tout ça c'est bil-ilm. Kadhalik, faire des efforts fi ilm al-tawhid. Il n'y a plus la personne, il apprend, si Allah il le waffaq bil amal, incha'Allah ta'ala, il saura c'est quoi le tawhid, il saura c'est quoi le shirk. Il fera des efforts, fi hada. Hatta son amal, walaw, si c'est peu, il est accepté, indallah. Amma amalun kathir, qui est fondé sur le jahl, il délaissera le kitab au sunnah, son amal il sera fondé sur des khurafat, des histoires, ou des rêves, ou des omadi, et mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça deviendra imma des bid'a, imma rubbama à cause des khurafat, du shirk. Hada, son amal, walaw s'il est kathir, il n'est pas maqboul inda Allah azza wa jal. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, faja'alnahu haba'an manthura. Et on a expliqué ce verset dans le dars précédent. Falhadar, cette ibada, c'est une ni'ma. C'est la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Et tu seras jugé par rapport à cette ibada, fahdhar. Fahdhar que cette ibada que ce amal que tu fais, عند الله سبحانه وتعالى, il soit accepté. احذر que يوم القيامة, tu ne fasses pas partie de هؤلاء. أنهم ils arrivent et ils trouvent rien عند الله عز وجل. Pourtant ils ont fait. لكن il manquait la condition principale, التوحيد. ثم, et on s'est arrêté هنا فيما أذكر, شيخ الإسلام رحمة الله عليه, il a cité un exemple. Et on avait expliqué le fait de donner des exemples pour celui qui t'écoute, c'est important. Cet exemple, tu peux lui citer une chose, comme Cheikh al-Islam, il nous a cité une chose, un fondement principal, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte que les œuvres du Mouahid, que de celui qui est sincère. Al-Mushrik, toutes ses œuvres, elles sont annulées, les mazal et annahu, il adore autre qu'Allah, même s'il adore Allah. C'est pour ça qu'on l'appelle Mushrik. Et ashraka ma Allah, il a donné un associé, donc il adore Allah. Lakin il adore un autre. Cheikh l'Islam, pour t'expliquer tout ça, bien sûr, il va citer les règles qu'on va lire, et il a cité cette muqaddima nafi'a, il va appuyer tout cela avec un exemple. Et ça, c'est important, que tu cites des exemples. Surtout, si le kalam, il est compliqué, et en face de toi, ton interlocuteur, celui qui t'écoute, Rubama, il a du mal, ou tu sens qu'il a du mal, cite-lui un exemple avec une chose qu'il comprend. Une chose de son domaine. S'il est spécialisé dans un domaine, et t'arrives à lui citer un exemple avec ce qu'il comprend, Amrun Tayyib. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait cité, dans le Coran, il a cité beaucoup d'amthal. Et bah, les ulama, ils ont fait le sharh de ces amthal, comme on l'avait cité, Ibn al-Qayyim ou Ghayro. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك il a cité des exemples في سنته عليه الصلاة والسلام. Et cet exemple, c'est pour faciliter la compréhension de ou à celui que tu parles. حتى il comprend mieux. فشيخ الإسلام il nous cite un exemple. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. كثير من الناس يكمن هذا. Ils comprennent que salat, elle n'est pas acceptée qu'avec le tahara, qu'avec l'oudou. Et il va citer, Cheikh Zayd, quelques adillah fi hada. On les lira. فَكَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ elle n'est pas acceptée إِلَّا مَعَ الطَّهَارَ هَكَذَا التَّوْحِيدِ أَوْ الْعَمَلِ il n'est pas accepté que s'il est fondé sur le tawhid. Et il va continuer, Cheikh l'Islam, il va te montrer وَلَوْ سِتَ عَلَى الطَّهَارَ لَنَا وَقَدَّرَ أَنَّ وَاحِدْ إِلَى الْوُدُو. Si tu annules cette tahara, il a fait l'oudou, et il annule. Il s'est purifié et il annule. Avec une cause, parmi les causes qui annulent à l'oudou. Matalan, il a fait ses besoins. Fahada, il a annulé le tahara. Walou, s'il voulait la garder, walou, il avait une bonne intention, il a annulé. Il est obligé de refaire l'oudou s'il veut faire le salat. Si c'est l'heure de salat, il est obligé. Fahakada, at-tawhid. التوحيد une personne elle peut avoir ce tawhid lakin عياذا بالله elle annule ce tawhid avec une des annulations qu'on a expliqué en détail في شرح نواقض الإسلام وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال شيخ زيد المدخل ثم ضرب المؤلف أي شيخ الإسلام رحمة الله عليه مثالا على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد بالصلاة التي لا تسمى صلاة حقيقية إلا مع الطهارة. Donc il a cité cet exemple. Il compare le tawhid بالصلاة. Il compare la condition du tawhid. Ou il compare plutôt la condition de العبادة qui est التوحيد avec la condition de الصلاة qui est الطهارة. قال فإذا فقدت الطهارة أو فقدت الطهارة وصلى الإنسان مئات الركعات بدون طهارة أو ما ينوب منابها فإنه لا يسمى مصليا ولا يثاب ثواب المصلين ولو سي في 100 ركعات 100 الطهارة ولو سي لموتيفي ولو سي فلو بيان. Enfin, sa salat, elle n'est pas acceptée. Il est obligé de faire al-tahar, al-wudu. Fahakada al-ibada. Voilà aussi, il est motivé. Voilà aussi, il fait beaucoup. Si cette ibadah n'est pas fondée sur le tawhid, sur l'ikhlas, elle n'est pas acceptée عند Allah. بعض الناس ربما il est étonné quand tu lui expliques هذا من العوام خاصة أن ce musulman il a fait le hajj plusieurs fois, ça fait des dizaines d'années qu'il fait salat, qu'il sort la zakat et qu'il respecte le voisin, il ment pas. Lakin quand tu lui montres أن ses a'mal, si on qadar qu'il fait du shirk, ses a'mal shirkiya, il adore les tombes, il égorge pour il sacrifie pour l'awliya, il fait tawaf autour des tombes, tout ça c'est des ibadah. Normalement c'est que pour Allah. Et ce abd, il les donne pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Quand tu lui montres an Allah s'il meurt ala hadha, an Allah subhanahu wa ta'ala, il lui annule toutes ses œuvres, fa ba'duhum yastab'id. Fa ba'duhum ka'annahu c'est quelque chose de ba'id. Il se demande mais comment? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité cette condition. Si le amal, il est fondé sur cette condition, al-ikhlas, il a accepté. S'il n'est pas fondé sur cette condition, il est rejeté. Même si c'est beaucoup, même si c'est des années. Enfin, on fait attention. On fait attention avant yawm al-qiyamah. Lianna ta'ammalu. On doit bien réfléchir, nahnu, fi hal ha'oula al-mushriki. Anna yawm al-qiyamah, ça va être difficile. Des années, il pensait adorer Allah Azza wa Jal, mais il a tout annulé par le shirk. Certains gens, probablement, s'il fait un effort fi dunya, مثلاً, il travaille pendant une semaine ou deux semaines et il n'a pas de salaire, pour une raison quelconque, probablement, il a du mal à encaisser ça. Une semaine ou deux semaines et il n'a pas de salaire, probablement, il va avoir beaucoup, beaucoup de mal. Al-An médite bien des années, wa yawm al-qiyama, il ne trouve rien. Ma'anna ad-dunya c'est un ta'b et il trouve rien. Bel, s'il serait neutre, falabas. Lakin, quand on dit neutre, il trouve rien, lakin il se fait pas châtier. Là, al-mushrik il trouve rien, et taqaddam ma'ana wa sayati ma'ana anna lahu al-adhab al-alim. Anna hu il est pas neutre. Na'am, lian Allah azza wa jal qal, wa man yushrik billah faqad harram Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Anna hu ses œuvres sont annulées, il trouve rien. Et il rentre au final. Et il se fait châtier éternellement. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah ne lui pardonne pas. C'est ça al-musiba, al-kubra. Et c'est sur ça qu'on doit faire nos efforts, nahnu fi al-da'wa. Montrer aux gens, faire des efforts nous-mêmes, fi al-ilm, fi hada al-ilm. Et c'est ça da'wa tu al-anbiya. Tu comprends un. Et tu comprenais, walillahi alhamd, avant. Pourquoi Al-Anbiya wa Rasul, ils ont appuyé sur ce point? Là, c'est le plus important. C'est la base. Si ce point il est sahih, Inch'Allah, tout ce qui vient après, c'est fondé sur le tawhid ou l'ikhlas. Tout ce qui vient après, Inch'Allah, ça sera tayyib. Si ce point il est mauvais, l'iyadu billah, cette personne elle fait du shirk et elle adore pas, ou elle adore autre qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qui vient après, ça sera fasid. لأن ما بني على فاسد فهو فاسد. Ce qui est fondé sur quelque chose de فاسد, de mauvais, ça sera mauvais. قال شيخ زيد بعد هذا بل يعاقب عقوبة على تركه لأعظم شرط على تركه لأعظم شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة مفتاح الصلاة الطهور. Et beaucoup d'adillah أن celui qui fait الصلاة sans طهارة sa الصلاة elle n'est pas acceptée. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع, حديث أبي هريرة في الصحيح. قال فشبهها بباب مقفل قد أحكم إقفاله ولا يفتح هذا الباب المقفل إلا بمفتاح إلا بمفتاحه الحقيقي. Ça c'est un كلام جميل. أن les portes de cette adoration elles sont fermées. مثلاً الصلاة. Celui qui veut ouvrir, il est obligé d'avoir la clé. La clé c'est الطهارة. فهكذا تأعمل. La récompense et les bienfaits, les mérites de cette ibada, c'est fermé. Si tu veux ouvrir, il te faut la clé. La clé, c'est le tawhid. Idan, fa salat la tusamma salatan illa ma'at tahara. فعند الله سبحانه وتعالى سصغى une salat acceptée avec الطهار. أما celui qui fait salat لا يتوضع ولو c'est lui-même il appelle sa salat عند الله c'est pas une salat. قال وهكذا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Cheikh al-Islam insiste sur ce point. لماذا لأن كثير من الناس à son époque et à notre époque كذلك كثير من الناس يعبدون الله لكن يعبدون غيره معه عز وجل. Donc كلام شيخ الإسلام الآن c'est pas un كلام sur quelque chose qui n'est pas présent. أبدا. C'est quelque chose dans certains endroits c'est منتشر جدا. Ils égorgent pour les morts. Ils se rapprochent des ce qu'ils appellent al-awliya. Et أحيانا c'est pas des awliya. Ils placent leur confiance autre qu'Allah. Ils ont peur des djinns. Ils vont voir des sorciers. Ils pensent qu'un tel il connaît le ghaib. Si leur fils il est malade, ils vont voir un tel. Thomas des histoires, khurafat. Shirk wadih. Ba'duhum, ils adorent des êtres humains comme nous on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'duhum, ils ont peur des djinns ou de certains êtres humains comme nous on a peur d'Allah azza wa jal. Ou ashad wal'ayadu billah. Tout ça c'est muntashir. Donc, Cheikh al-Islam il a appuyé sur ce point, les anna haqiqa al-mas'ala li khatira. Ha'oula, ils ont annulé leur din avec ce shirk. Sha'u am abou. Ils le veuillent ou non. Même si ba'duhum ils insistent à renier. Comme ils ont fait kuffar Quraysh. Ma na'abuduhum illa li yuqaribuna ila Allah zulfa. Ba'duhum ils insistent à n'ahum c'est pas du shirk. C'est l'ibadah. Elle n'est pas fondée sur le tawhid. Et cette ibadah, elle est accomplie pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Même si eux, ils appellent cette chose, c'est une ibadah, c'est du tawhid, c'est que de la shafa'a. On n'a rien fait de mal. هذا لا ينفع. قال شيخ الإسلام بعد ذلك فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. Il continue son exemple, رحمة الله عليه. فالشرك s'y rentre في العبادة il annule cette ibadah comme le hadath. Al hadath, c'est une annulation de l'eau. Mathalan, il est parti faire ses besoins. Ça, c'est le hadath. Ida dakhala fi tahara. Al jama' annahu, celui qui fait ses besoins, il n'a plus l'eau. Fahakada, celui qui fait du shirk, il a perdu son islam. Qala Sheikh Zayd, fa ida dakhala shirk fi l'ibada afsadaha wa ahbat al amal. Al hubut, hubut al amal, c'est annulées. Et les œuvres, elles ne sont pas acceptées. قال ابن فارس رحمه الله حبط الحاء والباء والطاء أصل واحد يدل على البطلان. حبوط العمل أي العمل اللي باطل اللي باع accepté. يقال أحبط الله عمل الكافر أي أبطله. هذا c'est كلام ابن فارس dans son livre معجم مقاييس اللغة. Donc الإحباط أو الحبوط c'est عدم القبول أي c'est pas accepté, c'est annulé. قال وأحبط العمل كما في قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Ce verset c'est un verset عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Ça c'est valable pour tout le monde. أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. الشرك الأكبر, celui qui fait du shirk, shirk الأكبر et وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ il ne fait pas de tawbah, il meurt à la ذلك. فهذا son amal il n'est pas مقبول. لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Et le hubout, on a vu, et l'amal, il est annulé. Même s'il est kathir. Et c'est ça, la gravité, l'an. Même si ce amal, il est kathir, cette personne, elle a fait pendant 30 ans, 40 ans, as-salat, ou al-hajj, ou ibadat. En apparence, s'il ne fait pas de tawbah, il meurt à la dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, ses œuvres ne sont pas acceptées, tout ce qu'il a fait. Et, قال عز وجل, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ. خَسَارَ. لِيَنَّهُ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى va le juger et il n'a pas de hasanat. Même la plus importante des hasanat, est la plus lourde fil mizan kama fi hadith al-bitaqa at-tawhid il la plus mushrik fa hada li min al-khasirin. Et dans d'autres versets Allah subhanahu wa ta'ala il montre annahu anna cette personne elle va fi an-nar éternellement wal a'udhu billah. قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ان يشرك نعم ولقد اوحي اليك اي au prophète صلى الله عليه وسلم والى الذين من قبلك اي tous les prophètes qui sont venus avant lui la in ashrakta si tu fais du shirk la yahbatan a'malu. قال الشيخ زيد وحاشاه ان يشرك نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم il est معصوم عن المعاصي من باب اولى من الشرك بالله عز وجل لكن قال ولكنه بيان للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم c'est lui qui a reçu la révélation et c'est pour montrer à la umma. أما النبي صلى الله عليه وسلم c'est إمام المتقين إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. أن تحذر الشرك بجميع صوره وأنواعه إذ منه الجلي ومنه الخفي. On doit faire attention à هذا كذلك. الشرك منه الجلي أي الواضح clair et منه الخفي. Ça peut être un shirk, il est khafi, il n'est pas clair. Nous, on fait attention aux deux. Comment faire ? Al-an, une personne, elle peut se poser la question. Comment on fait ? Al-ilm. Fais des efforts fil ilm. Fais des efforts fil qira'at al-Qur'an ou tadabbur al-Qur'an. Al-Qur'an, c'est afdal al-kutub fil tawhid. Et comme a bayyana ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, al-Qur'an, kulluhu al-tawhid. Donc, on fait des efforts fil hada et on demande et on étudie les livres des imams de la sunna التوحيد, et tu verras, والله الحمد, que tu sauras est-ce que c'est du shirk ou pas. ومنه ما يعلم ومنه ما قد يدخل على الشخص وهو لا يعلمه والعلاج في ذلك والوقاية من الشرك أن يبذل الإنسان جهده في طلب العلم والتوسع فيه وبالأخص علم العقيدة التي هي توحيد الله تبارك وتعالى والتحقيق هذا التوحيد والبراءة من الشرك وأهله ومعرفة صوره على وجه على وجه التمام ليحذرها المسلم. نصيحة طيبة. Il te donne la solution. Vu que ce shirk il est répandu, il est grave, il annule toutes les œuvres, la solution pour te préserver, بعد توفيق الله عز وجل, et الدعاء, c'est que tu fasses ce سبب عظيم. طلب العلم. خاصة comme il dit Cheikh Zayd هنا رحمة الله عليه علم العقيدة والتوحيد. Tes plus gros efforts ça doit être في هذا. La langue arabe que tu apprends c'est pour comprendre هذا. Le hifd que tu les moutons que tu mémorises c'est pour te faciliter هذا. Le Coran que tu lis c'est pour comprendre هذا. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous les prophètes tous les messagers pour هذا التوحيد. Il a révélé les livres pour هذا التوحيد. Tout ce qui vient comme ibadat, ça suit à tawhid. Limadha li'anna si as-salat wa az-zakat wa as-siyam, le comportement, la bienfaisance envers les parents, envers les voisins, etc. Toutes ces ibadat et ces bons comportements, si ce n'est pas fondé sur tawhid, c'est d'aucune utilité. C'est pour ça que le kafir, il est finnar. Même s'il a un bon comportement en apparence, même s'il ne ment pas, il n'est pas injuste envers les créatures, il aide. Si il meurt à la shirk, et à la غير الاسلام هذا مشرك لا ينفعه عمل ابدا عند الله عز وجل. بعض العوام vu qu'ils donnent pas d'importance à ce tawhid et ils comprennent pas ce tawhid, ils n'arrivent pas à comprendre هذا. Pour lui un musulman qui ment par exemple ou qui fait du mal à son voisin, pour ses ignorants il est pire que ce kafir qui est très gentil, qui fait de mal à personne en apparence, etc. Pourquoi? Ce fondement, il ne lui donne pas d'importance. Amma nahnu la, ce muslim, même si c'est un menteur, tu ne peux pas le comparer au kafir. Il y en a ce muslim, si c'est un menteur, on le conseille de ne pas mentir, bien sûr. Mais si c'est un mouahid, fihi khair. Et le mensonge, c'est une kabira, amna al-kabair, il doit la délaisser. Mais ses œuvres, elles sont acceptées. S'il fait le salat, elle a accepté. S'il a fait le hajj, il a accepté tant qu'il est sincère. Amma al-kafir, même s'il est gentil, il ne fait pas de mal. في الحقيقة إلى مال عظيم إلى شر كبير c'est son shirk, son kufr. C'est pour ça que s'il meurt il est fait nar. أما ce musulman qui ment s'il meurt, si Allah il veut il lui pardonne, et s'il ne lui pardonne pas il rentrera في الجنة même s'il fait un passage في النار لأنه سام واحد. Donc c'est ça la différence. الآن بعض الجهال ils ne comprennent pas هذا. حتى بعضهم ils prétendent que les kuffars ils sont mieux que certains musulmans. Pourquoi? Parce que soit il l'a aidé, soit il lui a fait un sourire, soit il lui fait pas de mal, il ment pas. Ça c'est tayyib. Lakin, c'est accepté si c'est fondé sur tawhid. Amma pour le kafir, c'est d'aucune utilité. Ilmun azim. Et parmi les livres qui t'aideront à comprendre hada tawhid, hadhihi ar-risala al-azima al-qa'id al-arba. Et tous les livres de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, la plupart de ces livres, c'est fi hada al-sha'n wa fi hada al-mawdu', ay at-tawhid. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله في المتن فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Après l'un cette مقدمة, avant de rentrer dans les règles, les quatre règles qui va nous expliquer Cheikh l'Islam, il t'a cité cette introduction qu'on a lu. On a bientôt fini Inch'Allah Ta'ala. Il te montre l'an, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكِ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا. L'an, t'as compris que shirk, s'il rentre dans l'ibada, et cette ibada, elle n'est pas vouée exclusivement à Allah, elle n'est pas fondée sur le tawhid, أَفْسَدَهَا. Cette ibada, elle n'est pas acceptée. Premièrement. وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ. Deuxièmement, toutes les œuvres de cette personne, elles sont annulées. C'est pas que l'ibada elle-même. مثلاً, un mushrik وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, il sacrifie pour autre qu'Allah. Son sacrifice, il n'est pas accepté. Indallah. Il a sacrifié pour autre qu'Allah. Toutes ces ibadat, elles sont annulées. Le hajj, le salah, le siyam, le zakat, tout ce qu'il fait, c'est annulé. Troisièmement, troisièmement, bien sûr, avec une condition, si il meurt à la dhalik, il est finnar. Éternellement, il ne sort plus. Et il ne sortira jamais. Nous, on parle de, on parle pas d'une personne précisément. Et on ne va pas rentrer dans les masailles, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il ne sait pas. Ça, c'est un autre sujet. Là, nous, on parle عموماً. On parle حال المشرك أي من باب الإطلاق. قال عرفت. Donc, si tu connais ces trois choses, son amal il n'est pas accepté, toutes ses œuvres sont annulées, et s'il meurt à la hada, il rentre en enfer éternellement. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك etc. Tu sauras que la chose la plus importante, c'est d'apprendre ces choses et d'appliquer ces choses et faire des efforts dans ce point, التوحيد, l'appliquer, et الشرك, sans l'écarter. قال شيخ زيد رحمة الله عليه ولقد بين المصلف رحمه الله انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة أن صاحب الشرك الأكبر من أهل الخلود في النار ولا حظ له في رحمة الله. Ça c'est une مصيبة عظيمة. Il a aucune part في الرحمة. Et il n'est pas concerné. Allah سبحانه وتعالى لا يرحمه. S'il meurt على الشرك الأكبر. Et celui que Allah سبحانه وتعالى لا يرحمه يهلك. يهلك يوم القيامة. قال ولا نصيب له في مغفرته سبحانه. Et il n'a aucune part كذلك في المغفرة. Allah ne lui pardonne pas. Allah ne lui fait pas miséricorde, il ne lui pardonne pas. لأن رحمته ومغفرته خاصة بأهل التوحيد. Ça c'est une فضيلة عظيمة pour أهل التوحيد. Celui qui meurt à la tawhid, il est mort à la خير عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Parce que la chose que Allah ne pardonne pas et la personne que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas, c'est al-mushrik. C'est shirk al-akbar wal-iyadu billah. Donc on fait très attention à ce point, à cette musibah, à ce dhim. C'est le plus grand dhim, comme il l'a qualifié le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Quand ils lui ont demandé sur al-kaba'ir dans plusieurs hadiths, دائما النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صفحة الشرك الإشراك بالله. لماذا؟ لأن صاحبه الله لا يحضن به، il lui annule toutes ses œuvres، il rentre en enfer éternellement، il reçoit pas الشفاعة. حتى ses héritiers، ses enfants مثلا، ils ont pas le droit de prendre، si c'est des musulmans، ils ont pas le droit d'hériter de lui. لأنه c'est un كافر. حتى الغسل، les faire salat sur lui، l'enterrer avec des musulmans là. لأنه il a aucun droit عند المسلمين المشرك. Et s'il meurt, الحقوق, le laver, l'enterrer, etc. On ne les applique pas sur lui. Ce n'est pas un abd lillahi subhanahu wa ta'ala et qui a adoré Allah et qui est mort à la tawbah. Kadalik yawm al-qiyam. Pas de maghfira, pas de rahma, pas de shafa'a. Wallah al-musta'an. Qala, Cheikh al-Islam, عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. عرفت أن أهم ما عليك. Donc maintenant, et tu savais, wallah alhamd, et on sait, أن la chose la plus importante, c'est de connaître التوحيد, l'appliquer, connaître الشرك, s'en écarter. Et c'est ça, معنى لا إله إلا الله. Cette shahada qui nous fait rentrer en islam. Et c'est la parole la plus importante, la plus bénéfique, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Le ma'na, c'est hada. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et celui qui mérite cette adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Qala Cheikh Zayd, rahimahullah, amma ash-shirkul akbar, fahuwa kama sammahu al-musannif shabaka min ash-shabakat. C'est pour ça que Cheikh l'Islam qala la'alla allahu an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka. Al-shabaka, c'est comme un filet, une toile. C'est pour ça qu'en arabe, internet, il l'appelle shabaka. En français, il l'appelle la toile. Le filet pour pêcher, ça vient de ce mot. L'imad al-yanna, ce filet, si tu prends l'exemple avec les poissons, quand ils sont pris par ce filet, ils ne peuvent plus rien faire. Et ça cause leur perte. Fahakad al-shirk, fais attention de ne pas tomber dans cette shabaka. الشرك بالله. قال شيخ زيد رحمه الله فهو كما سماه المصنف شبكة من الشبكات التي إذا اصطيد بها الإنسان. إذن l'exemple comme la pêche, l'exemple qu'on a donné. والعياذ بالله وقع في الهلاك ووقع في الشقاء فشقي في نعم فشقي في دنياه وهلك في دنياه وبرزخه وأخرى. Ça peut causer sa perte dans sa dunya. Et ça causera sa perte. لأن المشرك الله سبحانه وتعالى يبغضه et كذلك عباد الله الصالحين يبغضونه. Et il n'y a plus de baraka dans son temps, dans son mal, dans sa vie. كما قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Il vivra في الضنك والضيق والتعب. لأنه سا مشرك. Et في الآخرة كذلك. Et dans sa tombe. هلاك وخسارة. كما قال عز وجل ولا تكونن من الخاسرين. Ça c'est une promesse d'Allah سبحانه وتعالى أن المشرك il sera في خسارة. Dans sa vie et في قبره, dans sa tombe et يوم القيامة. La solution avant de tomber dans cette shabaka, c'est العلم, bien sûr, الدعاء. Et la personne, elle ne suit pas tout le monde. بعضهم والعياذ بالله لماذا ils sont tombés dans le shirk. Pourquoi? Parce que ses parents ils en faisaient. Ou parce que les gens ils font. Ou parce que dans son pays ils le font. Enfin tu le conseilles, il te dit mais pourquoi les gens ils font? Est-ce que si les gens ils vont à leur perte tu vas les suivre? Et depuis quand les gens c'est devenu une preuve? عند المسلم. Là tu dois demander pourquoi c'est du shirk, montre-moi. Et il te montre simplement et tu t'écartes. Et fait la haqiqa, ta raison et ton cœur vont accepter. لأن التوحيد c'est واضح. فهذا العلم. العلم, on fait attention de ne pas suivre les autres aveuglément. Tout ça, bien sûr, avec التوفيق, l'insan, il demande toujours حسن الخاتمة. Donc, on fait des efforts et on demande toujours parmi notre dua, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait mourir على التوحيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Toujours on demande ce genre de dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait vivre à la tawhid, à la khayr, et on meurt à la hada tawhid, à la hada khayr. Qala Cheikh Zayd, wa haythu, inna l'adilla kathiratun jiddan ala wujub tawhid, wa tahdhir min al-shirk, wa bayan fadl tawhid, wa bayan khatar al-shirk, wa bayan aqibatul muwahidin, wa aqibatul mushrikin, faqad istadalla al-musannif, na'am, thumma. On lit la fin du mat, Cheikh Zayd va passer à la fin de l'introduction. On lit kalam Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, la fin de cette muqaddima. Qala la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka wa hiya ash-shirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Il cite le verset pour montrer la gravité de ce shirk. L'introduction donc c'était pour te montrer la gravité du shirk. Il cite la preuve. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Allah ne pardonne pas le shirk. Bien sûr, avec les autres preuves, les autres versets du Coran, tu comprends que c'est celui qui meurt à la hada shirk. Amma celui qui fait tawbah, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte tawbah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoyait ses messagers, ses prophètes à des qawms qui faisaient du shirk. Que pour qu'ils reviennent, il a tawhid. Et ceux qui sont revenus, Allah il leur a pardonné. Donc ça c'est واضح, celui qui meurt à la hada, mais celui qui fait tawbah, Allah il tawb. Allez, ça te montre l'importance de faire tawbah. Comme on l'expliquait, celui qui veut s'écarter de ce shirk, il apprend. Ne pas tomber dans cette shabaka, il fait des efforts dans l'apprentissage, bien sûr, avec dua, etc. Celui qui fait du shirk, ou qui a fait du shirk, ou l'ayyadu billah, c'est grave, mais il ne doit pas désespérer tant qu'il est vivant. Il doit faire tawbah. Et s'il fait tawbah, Allah il lui pardonne. Et il s'écarte. Min hada. Et celui qui meurt à la hada, fa na'oudu billah. Il a tout perdu, comme a dit Azza wa Jalla, wa la takunanna min al khasirin. Et Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab, il va citer les quatre règles. قال الشيخ زيد وحيث أو لا له هذا قال استدل المصنف بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي إن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار لا ينتظر مغفرة ولا ترجى له رحمة. Et ça c'est quelque chose de عظيم. Celui qui meurt à la shirk al-akbar, il a plus d'espoir que Allah lui pardonne, Allah lui fasse miséricorde. Il n'a plus d'espoir de sortir min al-nar. Fata'ammal, c'est quelque chose de adhim. Dans cette dunya, wahed, il se fait juger des années de prison, la perpétuité. Fafalhaqiqa, c'est quelque chose de, c'est une épreuve. C'est une épreuve chadide. Ma'a annahu, il va sortir. Il m'a vivant, il m'a mort. Il sortira. Et ma'a hada, c'est très dur, psychologiquement et autre. أما هذا يوم القيامة c'est pas la prison, c'est l'adab, النار, et c'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans maximum ou 40 ans maximum, là هذا il sort jamais. الندامة والخسارة أعظم. Pourquoi? Parce que الشرك c'est un ذنب عظيم. Il a eu ce qu'il méritait, لأن الله سبحانه وتعالى il est pas injuste. قال وما دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عذب فاعل الشرك الأصغر وكبائر الذنوب وإن شاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم. أما أترك الشرك الأكبر فالله سبحانه وتعالى si veut il pardonne cette personne. On ne parle pas de celui qui a fait tawbah. Celui qui a fait tawbah sincèrement, Allah il lui a pardonné. Là on parle de celui qui meurt على أترك الشرك الأكبر الكبائر. أما الشرك الأصغر يعني خلاف بين أهل العلم. On l'avait détaillé في كتاب التوحيد. Est-ce que Allah il le pardonne ou pas? Cheikh Zayd al-Madkhali, il démontre que c'est comme le kaba'ir. Si Allah il veut, il le pardonne. S'il veut, il ne le pardonne pas. Mais même s'il ne le pardonne pas, ça ne veut pas dire que ça veut dire qu'il sera châtié par rapport à son shirk asghar. Mais quand il aura fini son châtiment, il ira fil jannah, tant que c'est un mouhid. Amma le kaba'ir, fa'aqidat ahli sunnati wal jama'a, contrairement au khawarij al-dhullal, أن celui qui meurt à la kabira من الكبائر tant que c'est un mouahid il est تحت المشيئة. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut lui pardonne, s'il veut il le châtie, et tant que c'est un mouahid il ira في الجنة. أما الشرك الأصغر il y a un خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم ils ont fait rentrer الشرك الأصغر dans le verset إن الله لا يغفر أن يشرك به, que ça soit أكبر ou أصغر. لكن même s'il lui pardonne pas, ça ne veut pas dire qu'il ira en enfer éternellement. Là il sera châtié par rapport à son شرك أصغر. ثم si c'est un mouhid, Allah subhanahu wa ta'ala il le fait rentrer fil jannah. Et ça on l'a expliqué en détail dans d'autres doros. Donc dans ce dors on ne s'étalera pas sur ce sujet, la'allahu dans des autres doros avec vous dans des kutub plus vastes. هذه هي المقدمة, une مقدمة عظيمة pour te montrer la gravité du shirk et l'importance de faire des efforts fil tawhid. ثم المؤلف Il a cité la première règle et inshallah on l'étudiera ensemble dans le prochain cours. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك